Monsieur Joe. Monsieur Joe. Ok. Euro million boulimique. Avec un doigt, je recrache ma haine. Clic, clic, bang, bang. Je ne suis pas dans le délire Balboa, mais je suis plus salé boumaillé que Rocky Balboa. La vie est belle. Tu peux rien me faire, connard, si ce n'est m'poucave, m'insulter sur disque sur mon Nokia. Certains ont un cœur en or, d'autres un cœur de pierre. Moi j'ai un cœur de fer, blindé comme la caisse de Tony. Ouais Mimi, je suis très très loin d'être un enfant de cœur. Et j'aime les âmes comme les enfants soldiers. Bref, c'est vrai, je n'ai reçu aucun coup de fouet. Malgré les siècles, la douleur se transmet. Donc j'emmerde Marine comme James, j'emmerde Nicolas et même leur Ségolène Royal. En fait, je pense comme tandem, je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Et vu qu'elle ne m'aime toujours pas, fuck, je la pique, yes. J'suis plus fusil à pompe que poison, j'suis plus viande gorgée que poisson. Retiens bien mon nom, moi c'est monsieur Kaira Kaira. Donc laisse-moi passer, arrêtez que poisson. Vive les E, ouais c'est monsieur Kaira Kaira. Plus fusil à pompe que poison, j'suis plus viande égorgée que poisson. Retiens bien mon nom, moi c'est monsieur Kaira Kaira. J'suis pas le Renoir Tijan dans la ligne verte, ni ce Renoir qui voterait pour les verts, ni cet imbécile qui croit encore au dollar, au billet vert. Moi c'est Aladji dans le civil, sinon c'est Joe Lucas. J'suis la rue, le goudron, ses feux rouges et ses lignes blanches. Ouais Mimil, je n'ai que trois choses à t'offrir: mon cœur, mon gun et des lignes blanches. Artiste, contrôle judiciaire, avec un casier gros comme un annuaire. En attendant mon sacre, j'fais comme FF en 97. Je nique la musique de France, yes. Massacre la langue de Jean-Paul Sartre. Dans votre rap, j'suis Damien et quelle la malédiction. Je bise même à l'église, alerter le nouveau pape, jetez-moi de l'eau bénite, je suis le nouveau crack. J'suis plus fusil à pompe que poison, j'suis plus viande égorgée que poisson. Retiens bien mon nom, moi c'est monsieur Kaira Kaira. Donc laisse-moi passer, arrêtez que poisson. Vive les E, ouais c'est monsieur Kaira Kaira. Plus fusil à pompe que poison, j'suis plus viande égorgée que poisson. Retiens bien mon nom, moi c'est monsieur Kaira Kaira. J'suis plus fusil à pompe que poison, j'suis plus viande égorgée que poisson, à part si c'est des cailles. Ouais, c'est monsieur Kaira Kaira. Donc laisse-moi passer, arrêtez que de poisson. J'crois ni en toi, ni en la boisse, mais en l'accumulation d'erreurs. Le serpent, la pomme, de paille, donne. Comment veux-tu que je te fasse confiance si je n'ai pas confiance en moi-même? Ouais, Mimil, mon pire ennemi, c'est moi-même. L'être le plus cher à mes yeux, c'est ma mère. Bref, j'en ai rien à foutre que de ma musique, t'en as rien à foutre. Et j'en ai rien à faire que tu galères pendant que les joints repassent mes affaires. Ne me juge pas, jauge-moi, vis ta vie, je vis la mienne. 50 E et je nuis à la tienne. M6 et 8, t'as gros et ton rouge fournit la peine. J'suis plus fusil à pompe que poison, j'suis plus viande égorgée que poisson. Retiens bien mon nom, moi c'est monsieur Kaira Kaira. Donc laisse-moi passer, arrêtez que de poisson. Vive les E, ouais c'est monsieur Kaira Kaira. Plus fusil à pompe que poison, j'suis plus viande égorgée que poisson. Retiens bien mon nom, moi c'est monsieur Kaira Kaira. Ok, t'essaies d'écrire, moi je suis un grand lyriciste. J'fais le grand bandit, moi je côtoie le grand banditisme. Ce que tu chantes, c'est ce que je vis, tout ce grand réalisme.